someone try, infiltrate but never find, just falling slowly. You left me so damn lonely, try stepping back to when we rhymed. Maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. RTL 2, go! Le double expresso RTL 2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Et ce go est le top 3 de Jonathan O'Donnell. C'est un lancement réussi. Il est en orbite. Voici son top 3 de l'actu. Bonjour Grégory. Bonjour, merci Jonathan, je t'en pour cette intro. On part en Angleterre. Une femme de 43 ans a donné naissance à son 21e enfant. Mais arrête. 10 wow. filles, 11 garçons. Arrête, arrête. Ah si, c'est plus une famille, c'est un village. Hein. C'est un petit hameau. Voilà. Mes félicitations. On enchaîne avec un fait divers. Alors, tenez-vous bien. Une femme d'origine marocaine est accusée d'avoir tué puis cuisiné son petit ami pour en faire un plat traditionnel qu'elle a servi à des ouvriers pakistanais. C'est pas possible. Mais bon, elle avait des doutes sur sa fidélité. Il y a une copine qui lui a conseillé de le cuisiner un peu. Elle a mal compris. Donc, voilà, c'est, D'ailleurs, elle cherche un nouveau petit copain car les ouvriers ont demandé du rab, visiblement. C'est une très belle histoire. Hein. On peut pas rigoler. Non, mais on peut quand même. Bon. Voilà. On termine avec la santé. Google renonce à ses lentilles de contact capables d'aider les diabétiques car elles ne sont pas suffisamment fiables, apparemment. Ouais. Et c'est pas la première fois que Google fait des erreurs. Moi, je me suis fait avoir avec les lunettes pour voir à travers les habits. Là. Ça marchait pas du tout, ça non plus. J'avais tenté ma chance. Sûr que t'achètes ces trucs que vous voyez à travers. Ah là là là là, quel enfant. Merci Jonathan. Dimanche à 18h30 au théâtre Beau-Saint-Martin à Paris, si vous voulez aller le voir et passer une belle fin de week-end. Dans quelques secondes, Jérémy Frérot et un autre beau gosse. C'est Kevin Olivier qui arrive sur RTL 2. Fnac. À tous les curieux, c'est le Black Friday Fnac. Dès 17h, profitez d'offres exceptionnelles et en avant-première dans votre magasin Fnac. Une soirée privilège, exclusivement réservée à nos adhérents. Fnac, c'est bon d'être curieux. Offre réservée aux détenteurs de la carte Fnac ou Fnac Plus, voire conditions en magasin. Fnac. Sephora. Le Black Friday, c'est demain. Mais chez Sephora, on n'attend pas. Jusqu'à ce soir seulement, tous les produits Huda Beauty, la marque aux palettes et rouges à lèvres que tout le monde s'arrache, sont à moins 20%. Et pour les fêtes de fin d'année, profitez de moins 30% sur les parfums et coffrets parfums jusqu'à lundi. Oui, oui, vous avez bien entendu, moins 30%. Alors courez vite chez Sephora. Voir conditions en magasin et sur sephora.fr. Sephora, au cœur.